Nous arrivons à la troisième partie de notre développement, l'idée que autrui peut m'aider à me connaître moi-même, l'idée que la connaissance de moi-même exige que je fasse l'épreuve de l'altérité, du rapport à autrui d'une certaine façon. Si j'ai bien conscience de moi-même, si j'ai bien une appréhension immédiate de moi-même via la perception sensible, je peux en même temps prendre conscience de l'insuffisance de cette appréhension. Me sentir exister, éprouver un certain nombre d'états, ça ne me dit pas tout ce que je suis. D'où l'insatisfaction que je vais éprouver et qui va provoquer, dont découle un désir de me connaître moi-même un peu plus précisément, ce qui va me pousser peut-être à aller chercher chez autrui les éléments qui vont combler ce manque, qui vont me permettre de mieux me connaître. Alors comment autrui pourrait-il m'aider à me connaître alors que nous avons dit qu'il ne pouvait pas accéder à mon intériorité? Une première réponse pourra consister à dire que mon intériorité n'est tout simplement pas ce qui peut réellement m'indiquer qui je suis. On a déjà remarqué que les pensées conscientes pouvaient n'avoir qu'un aspect très superficiel, parfois qu'elles pouvaient être trompeuses, hein, on parlait du cas des faux souvenirs. Et en fait, ce sont peut-être davantage mes conduites effectives, mes actes, plutôt que mes intentions conscientes, qui révèlent vraiment qui je suis. Or, comme en témoignent par exemple les actes manqués, les lapsus, ou plus couramment tous les gestes du quotidien que nous accomplissons sans même y songer, nos paroles et nos actes, en fait, nous échappent souvent. Nous ne nous rendons pas forcément compte exactement de tout ce que nous faisons. Mais ces conduites, elles révèlent bien une certaine manière d'être, une certaine manière de se comporter, qui apparaît bien au regard des autres, et en particulier aux personnes que nous fréquentons habituellement, et qui sont susceptibles de nous observer et de nous juger à partir de ces conduites. Alors, on pourrait objecter à cela que le regard d'autrui n'est jamais neutre. Autrui, il pourrait interpréter mes conduites à l'aune de sa propre expérience, et puis il pourrait jeter sur moi un verdict réducteur, comme le dit Sartre. Il prend l'exemple du voyeur. Voilà, imaginons, je suis surpris par quelqu'un en train de regarder par la serrure d'une porte. Bah, la personne risque de me réduire à n'être qu'un pervers. Voilà, un pervers, un type qui regarde par la serrure des portes. Il va me juger sur mes actes, mais sans connaître mes intentions. Et donc, il pourrait risquer de m'enfermer dans une définition réductrice. Ce que nous dit Sartre, c'est qu'en fait, nous ne sommes toutefois jamais passifs sous le regard d'autrui. Je ne me contente pas d'être objet pour lui. C'est d'abord moi qui veux me connaître, même si autrui peut m'y aider. Donc, c'est plutôt, on peut penser qu'il va y avoir un échange. Et par cet échange, je vais en apprendre sur moi-même. Et autrui peut me révéler ce que ma conscience n'a pu percevoir, ce que ma mémoire s'est obstinée à oblitérer, à cacher, à reconstruire. Et d'ailleurs, c'est ce que soulignait Gottfried Leibniz dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, lorsqu'il essayait de répondre à Locke, pour qui c'était la conscience de soi qui permettait de définir l'identité de la personne. Et le problème, c'était voilà que si la conscience oubliait quelque chose, si la mémoire oubliait quelque chose des événements, des états passés, eh bien, ça ne faisait plus partie de notre identité. Bon, les ministres trouvaient que cette réponse était insatisfaisante. Ils disaient les défaillances de la mémoire individuelle, elles peuvent être compensées par la mémoire des autres pour reconstituer l'identité de la personne. Voilà. Et c'est pas juste moi qui sais qui je suis, c'est pas autrui qui sait mieux qui je suis, c'est nos points de vue combinés qui vont permettre de reconstituer mon identité. Hein, au-delà des seuls événements de vie dont je me rappelle, il y a ce dont je me rappelle, ce dont autrui se rappelle, et c'est ça qui va permettre de reconstituer mon identité. Ah, au-delà de cela, autrui, il n'est pas simplement une source d'information, il peut constituer en quelque sorte un miroir déformant peut-être, au travers duquel je me contemple. En effet, autrui, c'est celui qui n'est pas moi, mais qui me ressemble. Et donc dans notre différence, et dans cet écart entre ce que nous avons en commun et ce qui nous sépare, je peux saisir d'une certaine façon ce qui m'est propre. Hein, voilà, pour reprendre ce cas-là, un peu à la manière des anthropologues qui découvrent les normes de leur propre société en mettant à jour les normes des autres sociétés, eh bien c'est un peu la même chose. Chacun se découvre ces caractéristiques par la différence avec les autres. Je suis amené à me comprendre moi-même sous un nouveau jour lorsque je suis confronté à des situations inédites que je vois chez autrui, lorsque je me retrouve face à des manières d'agir et des manières de penser différentes de celles auxquelles je suis habitué, ben ça me permet de prendre conscience de mes propres habitudes, de mes propres manières de vivre. Et c'est ainsi moins autrui lui-même, comme source d'information, comme personne qui me juge, que le rapport entre lui et moi qui m'apprend à me connaître. Le regard et la parole d'autrui m'obligent à me redéfinir, à reformuler l'idée que je me faisais de moi-même à partir de ma seule conscience. Donc ça, c'est un petit peu ce rapport qui est envisagé aussi bien par Socrate que par Freud. Cette idée que le psychanalyste, le sage, voilà, le maïeuticien, pour reprendre l'expression socratique, lui, il ne sait rien a priori de son interlocuteur, il n'a pas de vérité à lui fournir, mais par leur dialogue, par leur échange, il va l'aider dans sa recherche de lui-même. Pour Freud, il y a l'idée que le psychanalyste, il va contraindre son patient à mettre en récit sa propre expérience de vie pour se réapproprier cette expérience de vie. Il va le pousser à expliciter le sens de ses paroles, à raconter ses rêves, à raconter son passé, et de façon à faire ressurgir un certain nombre de souvenirs. Bon, c'est un petit peu cette démarche-là. C'est assez discuté, on sait pas. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça ne marche pas tout à fait, mais enfin, bon, il y a cette perspective, possibilité d'un échange qui me pousse à prendre progressivement conscience de choses que je me cachais à moi-même, d'une certaine façon. Dans le rapport avec autrui, je vais apprendre à me connaître. Notamment au travers du regard qu'il porte sur moi, dans la mesure aussi où ce regard extérieur, c'est pas juste, il va pas juste servir à m'apporter des informations, il peut aussi me confirmer certaines de mes caractéristiques. En fait, nous, quand on y pense, nous sommes souvent incertains à notre propos de certaines choses qui nous concernent. Souvent, nous nous inquiétons de ce que dira autrui de nous. On peut prendre des exemples. Hein, voilà, l'étudiant, il attend que son enseignant lui confirme qu'il a bien compris. Le travailleur au sein d'une équipe, il attend de ses collaborateurs ou de ses clients qu'il soit satisfait, qu'il a bien fait son travail. Donc en fait, à travers ce jugement des autres, ce que nous attendons, c'est bien qu'ils nous disent que nous faisons bien ce que nous prétendons faire, que nous sommes bien qui nous prétendons être. Et ces confirmations qui viennent d'autrui, elles nous indiquent bien que nous sommes celui que nous voulons être. Et c'est en ce sens que Hegel considère que nous sommes animés par un désir de reconnaissance. Pour Hegel, la connaissance de soi, elle passe par une espèce de double mouvement. D'un côté, il y a une espèce de mouvement d'extériorisation, c'est-à-dire que l'individu se manifeste par son activité, voilà, il fait des choses pour essayer de se prouver à lui-même ce qu'il est. Mais ensuite, il va avoir besoin, pour vraiment se réapproprier son activité, pour vraiment savoir qui il est, il va avoir besoin du jugement des autres qui vont lui confirmer ce qu'il fait, en fait, ce qu'il est. Alors, pour Hegel, cette reconnaissance, elle se réalise de différentes façons selon des sphères sociales. Par exemple, lui, voilà. La famille, c'est-à-dire le lieu, si vous voulez, d'accomplissement des besoins élémentaires, le lieu de la socialité primaire, eh bien, la reconnaissance, elle passe par l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? En fait, c'est une reconnaissance qui est fondée sur des sentiments, sur des sentiments d'attachement personnel. Par l'amour, en fait, je reconnais la personne dans sa singularité, je la reconnais pour ses qualités, éventuellement pour ses défauts. Et donc, dans les relations que nous avons avec notre conjoint, avec nos parents, avec nos enfants, en fait, les relations fondées sur les sentiments, c'est aussi une manière de confirmer aux membres de notre famille qu'ils sont ce qu'ils sont, et nous avons aussi nous-mêmes besoin de l'amour de nos proches pour nous sentir bien dans notre être, en fait, pour nous sentir confirmés dans ce que nous sommes. Une deuxième sphère de reconnaissance qu'identifie Hegel, c'est ce qu'il appelle la société civile. Donc c'est le monde du travail, le monde des relations sociales, au-delà justement de la famille, c'est le lieu de poursuite des intérêts privés, c'est le lieu des échanges entre particuliers. Mais il nous dit qu'il y a aussi un mode de reconnaissance qui a lieu dans ce domaine-là. C'est ce qu'il appelle bon, l'estime personnelle. Donc l'estime personnelle qui est accordée à l'individu en fonction de la valeur de ses activités, en fonction de son travail, en fonction de ce qu'il apporte à la société, d'une certaine façon, de sa contribution à la production collective. Voilà, bah, chaque individu, en tant que travailleur, en tant que membre de la société, bah, il a besoin aussi que d'être reconnu, de dire que bah, ce qu'il fait est utile, qu'il apporte quelque chose à la société. En fait, cette reconnaissance des autres, ce jugement qui est porté, ça participe à la connaissance de soi-même. Parce que j'ai dit, voilà, le fait que les autres m'estiment pour mon travail, ça me prouve bien que je suis un bon travailleur, je suis utile à la société. Enfin, dernière sphère de reconnaissance pour Hegel, l'État, la sphère publique, la sphère politique. Et là, on a une reconnaissance qui est fondée plutôt sur le respect accordé aux citoyens, le respect aussi accordé à l'être humain, au-delà de juste des citoyens de ma société, mais plus largement des autres êtres humains, où là je reconnais chaque personne en tant qu'il a des droits et devoirs, et donc là aussi je lui confirme qu'il est bien un être humain, si vous voulez, qu'il est un être humain égal à moi-même, et moi j'ai besoin aussi de ce respect des autres pour me sentir voilà, confirmé dans mon identité. Et dans chacune des sphères d'intégration sociale, l'individu, en fait, il enrichit sa personnalité à travers des activités qu'il mène. Donc en fait, c'est pas seulement qu'il se connaît lui-même, c'est-à-dire qu'il se définit lui-même par ses actes en participant à telle ou telle sphère sociale, et en même temps qu'il se définit, il apprend à se connaître, à connaître ces définitions qu'il se donne au travers de la reconnaissance que les autres membres de la société lui accordent. Il se trouve confirmé dans son identité en tant que membre d'une sphère sociale. Et il parvient à se connaître par cette confirmation qu'il possède bien telle ou telle caractéristique, telle ou telle propriété, donc ses qualités personnelles qui font de lui un être singulier aimé par ses proches, ses compétences en tant que membre de la coopération sociale, voilà, et puis son statut de citoyen et plus largement de personne humaine. Alors, cependant, ce que souligne Hegel et puis après un commentateur comme Axel Honneth, c'est que chacune de ces formes de reconnaissance, le problème c'est qu'elle dépend aussi du bon fonctionnement de la sphère sociale, elle dépend du bon état des rapports sociaux entre les individus. Et en fait, toutes ces formes positives de reconnaissance qu'on a identifiées, voilà, l'amour, l'estime, le respect, elles correspondent aussi à des formes négatives, voilà, le mépris, l'humiliation, l'exclusion. Ouais, ces formes de reconnaissance négative, au contraire, au lieu de m'aider à me connaître moi-même, là, elles risquent au contraire de me nuire, de nuire à mon intégrité morale, mon intégrité personnelle, de briser mon identité, et là, d'être une source, au contraire, de grande souffrance. Voilà, donc pour répondre, au terme de ce parcours, pour répondre à cette question, suis-je le mieux placé pour savoir qui je suis? Bon, on a bien vu qu'évidemment, nous avions accès à certaines informations de façon privilégiée, même de façon parfois exclusive en ce qui concerne nos états de conscience. Dans nos états de conscience, bon, il y a toujours une part peut-être qui est communicable. On peut exprimer autrui, voilà, je pense telle chose, j'éprouve tel désir, je ressens telle émotion, mais il y a aussi toute une part incommunicable qui est l'expérience privée, l'expérience consciente, ce qu'on appelle aussi l'expérience phénoménale. Voilà, ça, c'est quelque chose de purement privé. C'est une information que nous sommes toujours le mieux placés pour connaître. Mais cependant, ce qu'on a vu, c'est que cette conscience que nous avons de nous-mêmes, elle est un petit peu insatisfaisante parce que notre conscience, elle est toujours partielle. Ce n'est jamais qu'un point de vue, donc un point de vue subjectif, donc qui est limité. Et nous avons vu aussi que la mémoire de ce que nous sommes, eh bien, elle peut être défaillante, hein, elle peut même reconstruire les souvenirs passés. Et donc, du fait de ce caractère parfois peu fiable de la conscience et de la mémoire, eh bien, il semble que nous ayons besoin, pour vraiment nous connaître nous-mêmes, d'un regard extérieur. Alors, il ne s'agit pas de dire, voilà, que autrui est mieux placé que moi pour me connaître, mais que j'ai besoin de lui, j'ai besoin de son jugement extérieur pour compléter et corriger peut-être les erreurs que je commets sur moi-même, et que c'est aussi dans mon rapport avec autrui et dans la reconnaissance qu'il m'accorde que je vais pouvoir construire mon identité personnelle.